Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de La Croche-Oreille. En fait, c'est la première édition de 2015, je pense, oui, de 2015. Je m'appelle Jean-Pierre Gay et je suis accompagné de Gaëtan Gosselin, comme toujours, à l'émission La Croche-Oreille. Salut Jean-Pierre. Salut Gaëtan. Ça va bien? Oui, ça va très bien, d'autant plus qu'on a avec nous un nouvel ami. Hello! Oh, on va lui donner un peu de... Mais c'est un peu de power. Un peu de visibilité. Alors, John Blouin. Salut, John. Salut, ça va? Ah, c'est un grand plaisir, John, de t'accueillir à cette émission, parce que là, dorénavant, de temps à autre, en fait, tu ne seras pas toujours là, mais ce dimanche, tu es avec nous autres. C'est le fun de t'avoir avec nous. Ben oui, mais ça. Ça va être au fil des rencontres que je vais trouver des choses ici et là, que je vais être en mesure d'apprendre des choses, puis que je vais amener ici pour partager ça avec vous autres, puis les auditeurs. Puis toi, John, tu es un bonhomme que j'ai croisé dans une couple d'événements sonores, puis tu aimes ça, puis t'es comme un... je dirais pas un spécialiste, mais t'es quelqu'un qui aime ça, l'art sonore. Ben non, je suis pas un spécialiste. Comme j'ai dit, je suis ici pour apprendre. Nous aussi, on n'est pas des spécialistes. Vraiment pas. Mais je me suis toujours intéressé à ce côté-là surtout en cinéma. Moi, mon background, c'est vraiment le cinéma, l'écriture, l'image, le mouvement. Puis au cinéma, ce lien-là entre image et son, ça m'a toujours fasciné. Mm-hmm. Puis, en travaillant les images, la plupart du temps, je travaillais aussi la musique, mais pas assez. Fait mm-hmm. que j'avais pas cette force-là pour faire élever les choses où est-ce qu'on veut qu'ils s'élèvent, parce que c'est comme une danse entre le son puis les images. Fait que je me suis entouré de gens qui s'y connaissaient. Fait que c'est par le truchement des chums à venir que j'ai pu faire ce qu'on dit, c'est shut up and learn. Ben, ici, on est beaucoup dans l'apprentissage, justement. Quand tu parles de shut up and learn, on est beaucoup dans l'apprentissage. Gaëtan, c'est un réservoir de connaissances insoupçonné, mais j'ai fait mon apprentissage comme tout le monde. Oui, Jean-Pierre. Mais c'est quand même intéressant parce que ici on peut partager nos connaissances. On a chacun notre petit bout de qu'on connaît. Moi, je connais un petit peu d'affaires. Gaëtan connaît un peu. Toi, tu vas en connaître aussi. Fait que cette émission-là n'est pas une émission de spécialistes. C'est une émission de gens qui aiment fréquenter l'art audio, l'art sonore, qui aiment être dérangés. Parce que dans le fond, l'art sonore, on n'est pas dans quelque chose qui est banal, on est dans quelque chose qui est un peu inusité, qui est un peu hors de l'ordinaire. On est dans des projets, hein? On est dans de la sculpture sonore. On est dans quelque chose qui nous sort de nos conforts habituels. Puis, c'est, je pense, ce que l'art doit nous offrir. L'art doit nous sortir de nos pantoufles, doit nous amener là où on s'y attend pas. Et c'est un peu ce que va faire la croche-oreille. Puis je suis très content que tu sois là, puis avec Gaëtan, que tous les trois ensemble, on puisse explorer cet univers qui est très vaste. Moi, aujourd'hui, je fouillais pour savoir un peu ce que je présenterais comme expérimentation sonore, et j'étais étonné de voir la diversité puis l'immensité du travail qui se fait là-dedans. Ben c'est immense dans le sens que ça s'arrête pas. Le mouvement est toujours... Tout ce qu'on peut faire, c'est... On peut jamais se baigner dans un même fleuve, comme dit l'autre. Puis c'est ça un peu qu'on fait avec l'art sonore, parce que on se rend compte avec les années, que y a des poussées philosophiques, il y a des poussées technologiques. La technologie est en train de changer beaucoup d'approches. Puis il y a comme une explosion aussi dans l'art sonore, dans l'installatif, dans le numérique. Donc, on dirait que ça l'explose. Puis, j'aime bien ça, voir des feux d'artifice avec les oreilles. Ben, John, on va commencer par un premier choix. Ton premier choix sonore à cette émission. Alors, si tu peux nous le présenter. Ben, c'est au gré des rencontres. Je me suis retrouvé au Carrousel de Rimouski pour faire une performance multiprojection, puis avec la musique en direct. Puis une des personnes qui était un des musiciens, j'avais la chance de travailler avec Éric Normand, qui... Bon, c'est à Rimouski, il est compositeur, improvisateur, bassiste, c'est lui aussi qui dirige le Grill, c'est le grand groupe régional d'improvisation libéré, Tour de bras, les rencontres de musique spontanée, donc autour de lui, avec cet environnement-là de coopération, ben Rimouski est devenu un pôle important pour la musique spontanée actuelle. Puis j'étais voir sur son site, puis j'ai vu qu'il venait de sortir justement le 12 décembre, totalement précis, un disque de blues très vieux, très récent. C'est comme quand tu prends une feuille, puis tu prends les deux bouts, puis tu la plies ensemble, puis que ça vienne se toucher. C'est un film qui est sorti récemment. Ça s'est fait avec Arthur Bull, un guitariste pas très connu, qui était à Halifax. C'est pas quelqu'un qui est devant les caméras. Son il est assez incroyable au slide guitar. Puis ça donne un genre de blues qui n'a pas d'époque. On va entendre un petit bout qui s'appelle Dream. Dream. Dream. Rêvons. Hey John, c'est une belle entrée. C'était une belle entrée. Je t'avouerai que ça, il y a un côté de Tom Waits tout croche. Déjà que Tom Waits, c'est pas vraiment bien droite. Là, fait que là, on est dans quelque chose qui est très déroutant. Ouais, c'est pas parce que c'est croche que c'est pas cohérent. Oui. Et puis c'est une chanson qui vient des années 20. Ça a été repiqué par justement Arthur Bull. C'était attribué à un Jukebox Boner, un chanteur qui est quasi inconnu. Fait qu'on a la chance de pouvoir entendre ça. Merci. Merci beaucoup. Hey, on va enchaîner Gaétan avec ton choix. Oui, déjà. Déjà, bien sûr. Ah, écoute. Il est 9h11. Bon. Alors, écoute, fidèle à moi-même, je vais dire ça comme ça, ce soir, je me disais, on va commencer avec une introduction à l'art sonore à travers des expérimentations réunissent, je dirais, des tonalités musicales et des machines sonores. Puis des machines sonores, je devrais plutôt dire des machines électroniques qui ont un peu bouleversé, transformé la manière de travailler le son. Et puis, évidemment, le sens commun va nous amener tout de suite à des affaires très, très simples. On pense, entre autres, à l'amplificateur. On pense au magnétophone. Et puis, on pense à l'oscillateur de fréquence, qui a été une espèce de bidule qui servait les techniciens en électronique pour mesurer des fréquences. Mm-hmm. Et on s'est rapidement rendu compte que ça avait tout de même un potentiel extraordinaire pour générer des tonalités, générer des sons. Alors, ce soir, je vous présente trois artistes qui ont mis en relation les sonorités musicales et les sonorités de machines. Et on va commencer ce soir avec une pièce d'Alvin Lucier, qui est un artiste sonore américain qui fait partie, je dirais, fait encore partie de l'avant-garde des arts contemporains, qui va se faire notamment connaître par une pièce célèbre qui s'appelle « I'm sitting in a room » et qui est une phrase, une toute petite phrase comme ça, qui est reprise en boucle avec un appareil magnétophone. Alors, il le dit une première fois et ensuite la voix est enregistrée sur un magnéto et on reprend d'une manière un peu évolutive cette petite phrase. Et évidemment, avec le rythme de la phrase et le temps qui file, la matière sonore qui était articulée au départ se désarticule pour devenir une espèce de magma sonore quasiment symphonique qui va nous amener sur des territoires sonores liés à la voix qui vont être novateurs à l'époque. On est quasiment dans du Pierre-André Arcan. Ça sera mon deuxième choix. j'en reparle tout à l'heure pour pas trop m'allonger. Puis le troisième, on va parler d'une artiste américaine qui s'appelle Pauline Oliveros et qui, elle aussi, va travailler avec cette méthodologie. Donc, ce soir, une pièce d'Alvin Lucier qui s'intitule « Still Lives numéro 6 ». Thank you. Dans l'art sonore, on est dans vraiment tous les horizons. Hein. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup de l'art sonore. Ça nous permet d'explorer toutes sortes de facettes. On est dans quelque chose qui est pas loin de la musique classique. Hein, on a un piano, puis on a l'impression qu'on est carrément dans de la musique, mais en même temps, on est dans l'expérimentation. Ça m'amène à vous parler de notre prochain invité, qui est Jocelyn Robert. Jocelyn, un des grands pionniers de l'art sonore au Québec, c'est un fondateur d'Avatar, c'est un bonhomme qui a beaucoup produit. Il a fait je ne sais pas combien de disques, et Jocelyn a produit dernièrement un disque qui... oui, il est question de... Là, j'ai perdu mon texte. Bon, alors... Un petit coup de maguette, hein? Oui, Jean-Pierre, l'album. Oui. L'album. Et tu l'as dit cancer. Ça ne pourrait pas être le cancer. Voilà, c'est ce que je cherchais. Merci. Merci de me l'avoir montré. Oui. Ben oui. Et justement, Jocelyn, c'est vraiment Jocelyn, son travail, il repose sur toutes sortes de sources, toutes sortes de façons d'y arriver. Alors, voici un extrait d'une œuvre qui pourrait être une œuvre de musique classique, mais qui est avant tout une œuvre de musique audio. Alors voilà, Jocelyn Robert. Thank you. John, ce qu'on vient d'entendre, ça n'a rien à voir avec une création musicale. Jocelyn, ce qu'il aime faire, c'est appliquer des processus très scientifiques. Dans ce cas-ci, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris les données météorologiques et il a appliqué à ces données-là des valeurs numériques quelconques qui ont créé cette ère-là. Donc, il n'a pas composé cette musique-là. Il a tout simplement créé un processus par lequel il est arrivé à produire une sorte d'œuvre musicale sonore. Ben c'est un peu ce que j'aime de lui, c'est qu'il sculpte pas tant. Son art, c'est l'idée. Oui. Il n'est pas pris avec un médium. Il prend l'idée, puis il transforme l'idée, tout dépendant quel médium va le mieux avec avec cette idée-là. Puis je trouve il y a beaucoup de délicatesse. Puis il y a aussi de l'humour dans son approche qui est quand même qui peut passer pour assez sérieuse. Mais le fait qu'il prenne un truc météo pour faire une composition comme ça, il y a un lien avec l'humour qui donne la profondeur, je trouve, à son approche. Parce qu'en même temps, ça donne une autre lecture à son travail. T'sais, on entend ça, puis on a l'impression que c'est une composition de musicien, alors que ça n'a rien à voir avec ça. Là. Dans le fond, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé son disque clavier pour transposer des données météorologiques. Mais qu'est-ce qui est incroyable, c'est que c'est beau. Oui. C'est ça, le résultat. Oui. C'est qu'au bout du compte, ça fait quelque chose qui n'est pas baroque, qui n'est pas tout croche et qui est harmonieux. Alors, ça, c'est un beau hasard. C'est un beau hasard. Jean-Pierre, John, pour rappeler que le disque de Jocelyn, c'est sur étiquette Merle. Et on peut aller sur le site www.merle.ca. Et je pense que Merle, c'est au pluriel. Au pluriel, Merle. Ouais. Merle. Alors, voilà. Ben écoute, on va s'en aller vers la pause publicitaire tranquillement avec ton choix, John, de Fred Le Brasseur. Ben c'est un choix qui est pas très difficile. C'est quelqu'un avec qui j'aime beaucoup travailler. Qu'on a reçu ici aussi, ouais, qu'on aime beaucoup. Ouais. Et c'est drôle parce que j'ai écrit un petit mot tantôt, puis j'ai dit je vais présenter un extrait d'Imagination. Puis il me semble que peut-être que je l'ai présenté, mais finalement on a regardé, puis peut-être que non. C'était possible. Sinon, on repartira sur un autre extrait de lui. Imagination, assez simple. Ça a été construit autour du 16 mm, du son du 16 mm, le projecteur 16 mm, la pellicule, le son des sprockets. Les sprockets, c'est les petites dents qui tournent. Parce que c'est un gars de cinéma aussi, Fred, et c'est un maniaque de cinéma. Ah, c'est un maniaque de cinéma, puis en fait, il fait du cinéma d'animation. Ben oui, depuis longtemps. Il y a un côté très bande dessinée quand il fait des performances, quand il anime des ateliers. Puis ce que je trouvais intéressant avec lui, puis pourquoi je voulais le présenter ici, c'est que il faut se poser souvent la question, qu'est-ce qui fait que la musique change d'un médium à l'autre? Par exemple, si la musique est faite pour le théâtre, si la musique est faite pour un film, si la musique est faite pour une performance ou la danse. Puis Fred, il joue énormément dans ces registres-là, puis je pense qu'il y a une intelligence profonde des différentes scènes. Puis celle-là, c'était une scène d'une installation autour de la projection. On l'écoute. Imagination. Ce qui s'en tranchait dans les pieds, dans ma vestibule, à l'aveugle, de la guerre du monde. me suis rendu compte que l'intérêt de cette société, c'est qu'on lui fout des pilules. Vous êtes ici avec Henri Laborie, sur l'antenne de CKRL, MF 89.1, à Québec. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. Elle est antipsychotique, elle est antinévrotique, elle est antiépileptique, elle est anti-inflammatoire, elle est anti... elle est analgésique. Je ne sais pas le nombre de trucs qu'elle fait. Parce qu'on tape à un endroit de la membrane cellulaire qui est précis et qui fait qu'elle elle agit sur des quantités de syndromes. Depuis 2008, la mesure Première Ovation aide les talents émergents de Québec en leur donnant les moyens de créer, de profiter d'encadrement et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Couvrant 8 disciplines artistiques, les actions de Première Ovation contribuent également à une meilleure diffusion des créateurs et favorisent l'accès au spectacle de la relève. Découvrez les programmes offerts sur premièreovation.com. Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique. Deuxième demi-heure de l'aérospatiale, Jean-Pierre Guay, John Blouin et Gaëtan Gosselin avec vous. John, tu me disais que tu t'en allais en Louisiane. Oh, que si. Mm. Deuxième fois. Oui. J'étais l'année dernière pour un film que j'avais fait. C'est un super festival. C'est un petit festival où est-ce que j'ai réussi à toucher des racines que je croyais plus avoir, c'est entendre de la musique comme quand j'étais jeune, la musique cajun. Il y a comme une survivance que j'ai pas retrouvé souvent ici, souvent en région. Des fois, il y a une forme de survivance de l'art, mais là, c'est une survivance de la culture. Fait que j'ai comme trouvé des racines là. Puis j'y retourne pour présenter un autre film. Puis j'y retourne aussi pour présenter El Paysan. C'est une performance documentaire. Puis c'est drôle parce que la dernière fois je l'ai faite avec Éric Normand Rimouski pour les carousels le carrousel de Rimouski. Puis là je vais le refaire là-bas, mais avec des musiciens cajuns, des improvisateurs cajuns. Ça va être assez incroyable. C'est toujours dans le chemin, dans l'acheminement vers la connaissance. Se sculpter avec les autres. Gaëtan, parlant de se sculpter avec les autres, parle-nous donc de ton choix. De mon deuxième choix. Ouais. Pauline. Certain. Pauline Oliveros, oui. Qui est une artiste, encore une artiste américaine que j'aime beaucoup, qui est née en 1929. Donc, une femme qui a 85 ans aujourd'hui, qui est toujours vivante. 1929, et qui est tout de même une pionnière. Et il faut le souligner parce que je dirais que l'art audio a cette caractéristique de regrouper beaucoup de filles, beaucoup de femmes qui font de l'art audio avec des niveaux d'excellence assez importants. Mais dans l'histoire des arts audio, comme bien souvent dans la lecture historique de l'art en général, les femmes sont pas très présentes. Et Oliveros, qui est une formation de musicienne, c'est une accordéoniste qui va dériver dans l'expérimentation sonore aux alentours des années 50 et qui va faire un travail remarquable. C'est vraiment un travail intéressant. En tout cas, j'invite les auditeurs là, à gratter ça un petit peu parce que c'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment important dans l'histoire de l'art sonore. Ce soir, je vous présente une pièce qui s'appelle Bye Bye Puccini. Donc, qui est à la fois une œuvre d'expérimentation sonore réalisée en 1965. Tout de même, là, c'est une œuvre qui a 50 ans. Et c'est ça, c'est impressionnant comme affaire. Donc, une œuvre à la fois où on combine, vous allez voir, des tonalités musicales, donc le travail de Puccini, et l'oscilloscope. Donc, elle utilise deux oscilloscopes Hewlett Packard en 1965 et va combiner tout ça pour nous donner des sonorités qui sont maintenant rentrées dans le vocabulaire auditif, je dirais, de la population en général. Donc, on écoute Olivier Ross, Bye Bye Puccini. Allez. Gaétan, un beau choix. Ouais, j'ai fait d'ailleurs un beau lapsus, Jean-Pierre, je dois l'avouer, parce que j'ai dit que la pièce s'appelait Bye Bye Puccini, mais au fond, c'est Bye Bye Butterfly, l'œuvre de Puccini qui s'intitule Madame Butterfly. Mm-hmm. Et Olivier Ross, dans son travail, c'est toute cette dimension, c'est pas, je parlais tout à l'heure de la place des femmes à la création audio, à la création sonore. Mais Olivier Ross fait un travail à la fois artistique, politique, très critique, et finalement, elle raconte qu'elle a travaillé avec le oscilloscope et traînait dans le studio ce disque Madame Butterfly de Puccini. Elle l'a intégré à cette expérimentation sonore en guise, je dirais, de critique là, sociale à l'égard de la place qui est faite aux femmes dans le monde en général. Donc, c'est une féministe bien avant l'âge. Là. Bon, en fin de compte, c'était quelqu'un qui avait une démarche tout de même assez singulière, oui, et affirmée dans ce monde où les femmes n'étaient pas très nombreuses, en tout cas au début des années 60. John? Ça me fait penser un peu à un film de Caroline Martel, un superbe film qui s'appelle Le Chant des ondes, où justement il est question de des ondes Martenot qui s'est fait autour des oscilloscopes entre autres. Puis le film est basé sur plein de personnes, mais l'accent est sur les femmes. Il y a des femmes pionnières dans le cinéma. Pas dans le cinéma, excusez-moi, dans l'art audio. Mm-hmm. Puis une des grandes maîtres ou maîtresses des ondes Martenot, justement, c'est une Québécoise. Puis on peut la rencontrer, puis on voit la force des femmes dans ces arts sonores-là. Je suis désolé, je me rappelle pas des noms. Et mon Dieu, je la vois là, puis et mon Dieu. Écoute, on va enchaîner, puis on va la retrouver. Moi, Multi. John, j'aimerais ça que tu nous parles de ton prochain choix, qui est Tim Maker. C'est pas directement dans le mois multi. Il a peut-être déjà été. Tim Maker. C'est drôle parce que bon, c'est Tim Maker, c'est un artiste électronique qui est né en 1974, vient de Montréal, Québec, tout ça. Puis récemment, je suis retombé dans sa musique. On parle de retomber physiquement. Il y a eu des shows au cercle, il y a eu des liens avec la direction artistique du cercle. Puis je me suis mis à réécouter. J'ai dit bien réécouter parce que dans ma tête, je pensais que je l'écoutais pour la première fois. Je suis retombé dedans, mais je suis retombé physiquement dedans. C'est un autre endroit que j'aime, où l'art audio nous mène, où l'art audio nous fait sentir le corps comme étant un tympan. Tu vas voir des shows, puis là, ça vibre. Mais ça vibre d'une certaine façon. Ça me fait penser, c'est William Burroughs qui avait fait des essais avec l'art audio, puis selon certaines fréquences, ça donnait certaines émotions. Il en avait parlé justement aux gens de Led Zeppelin. Mais dans des shows de Tim Maker, c'est vraiment entre la chute et l'extase. C'est un endroit où est-ce que la pensée puis le corps viennent se rejoindre. Puis c'est des expériences audio comme ça qu'on trouve une fois de temps en temps, on tombe là-dessus ou on se dépêche à se rendre, puis il y a des fois ça arrive, des fois ça arrive pas, mais avec Tim Maker ça arrive. Puis je me suis rendu compte en faisant quelques recherches, c'est que dans le temps, je l'écoutais beaucoup, c'était sous le nom, son pseudonyme Jeton, whatever. Fait que finalement, c'était comme des retrouvailles. Fait que ce qu'on va voir, parce que je dis bien, non, je dis bien voir, ah, tu veux qu'on parce que voit, on sent assez pour voir. C'est pas Ravendette, parce que je voulais vous parler qu'il avait fait quelque chose avec Ben Frost en Irlande qui était incroyable. Ben Frost, c'est un autre. Je voulais vous présenter quelque chose de Ben Frost, mais ça va être une autre fois. Une autre fois. Puis l'album, c'est Virgin 2013. Ça a gagné des prix un peu partout dans le monde. Ça a été nominé au Polaris. Puis, veux pas, ça me fait penser, ça me fait vibrer encore. On écoute ça. Il y a quelque chose de majestueux là-dedans. Il y a même, une manière d'orgue qui rentre là-dedans. Ben, en fait, c'est justement avec Ben Frost en Iceland. ils ont travaillé énormément avec dans une église où est-ce qu'il y avait du pipe organ, comment on dit ça? Ben, de l'orgue à pipe. De l'orgue à pipe. Puis ils ont réussi à prendre ça puis à un peu tordre. Tim Maker, c'est tordre le sacré pour le sentir un peu plus près du corps, qu'on pourrait dire. Ben, on va s'en aller dans un tout autre horizon. On a parlé du quatuor Basini la semaine passée. Oui, on se disait, hey, ça existe. Oui, ça existe. J'ai justement un disque du quatuor Basini avec Jean de Rome et... Diane Etu. Alors, voici un extrait de ce quatuor avec Diane Etu et Jean de Rome. Une espèce de belle expérimentation sonore. Stéphanie Bosini. Je suis Verseau, mariée, tigre, mère de famille, droitière et automobiliste. J'ai deux sœurs et je suis la benjamine de la famille. Mon père est suisse et sociologue et je n'ai jamais sauté en parachute. J'ai eu un chien qui s'appelait Milou et deux tortues, Gaston et Adélaïde. J'aime la natation, les pastas, la couleur orange et l'émission Six Feet Under. J'aimerais ça aller camper en famille. Thank you. Quatuor Basini. Alors, c'était le Quatuor Basini. Hein? Oui, on a fini avec un superbe silence. Un superbe silence. L'art sonore, c'est aussi de ne pas avoir de bruit. Ça peut être un long silence, c'est aussi important qu'un grand tintamarre. Alors voilà, on a eu droit à un petit silence. Merci Jean-Pierre, merci Jean-Pierre. Hey, Gaëtan, puisque tu prends le micro, je vais en profiter pour te demander, t'as un choix musical, sonore, pour terminer cette émission. Présente-nous-le donc. Oui, alors pour terminer, toujours dans la même veine, mm-hmm. de ces expérimentations qui combinent ce que j'ai appelé des tonalités musicales et des machines, mm-hmm. des machines soit d'enregistrement, d'amplification, de distorsion. Là, c'est un travail qui s'intitule Transfuge, réalisé par Paul-André Arcan. Ah mon Dieu, un monument dans l'art sonore québécois. Oui, un monument. Un pionnier. Une œuvre qui a déjà une quinzaine d'années. Mmh. Transfuge parce que Arcan va se frotter, je dirais, à la fois à la matière vidéographique, performative et évidemment sonore, mais dans une combinaison là, qui donne un résultat assez intéressant. Et c'est un extrait de cette œuvre-là qui est présentée. Et la particularité, c'est qu'on va retrouver non pas une tonalité musicale, mais une tonalité musicale à travers la voix. Donc, on entend Arcan chantonner un peu à la manière Glenn Gould, je dirais ça un peu comme ça. Mais il le fait, cette expérimentation musicale avec la Machina. Cette machine d'enregistrement là, en boucle évolutive qui est développée chez Avatar avec des gens comme Jocelyn Robert, Paul-André Arcan et puis David Michaud. Mm-hmm. Et c'est un peu drôle parce que j'ai fait un peu de recherche sur l'historique de cette machine-là et puis c'est vraiment très nébuleux comme affaire, mais c'est intéressant. Puis à un moment donné, on pourra gratter un peu, approfondir cette affaire-là parce que je fais un peu la boucle avec le travail d'Alvin Lucier qui travaille à l'époque avec un dispositif qui est très mécanique en termes d'enregistrement, alors que la Machina Ricordi va prendre une tournure numérique là au début des années 2000. Et qui ce va serait un beau sujet d'émission, ça, Gaëtan. Oui, la Machina Ricordi, puis l'origine de ça, puis parce que c'est quand même encore là, Avatar s'est avéré un précurseur dans ce domaine-là, avec cette espèce de machine qui servait à enregistrer, puis on connaît ça maintenant, là, c'est rendu quasiment un objet du commun, là. Ben, écoute, on écoute ça et on se dit à la semaine prochaine. Hey, John Blouin, merci beaucoup d'être passé. Ouais, ça fait plaisir, puis la prochaine fois, je vous envoie des nouvelles de la Louisiane, the Bayou. Hey, merci Gaëtan. Ben, salut. Bonne soirée. On se dit à la semaine prochaine. Salut. Bye. Cette émission vous a été présentée par Avatar, Centre d'artistes de Québec spécialisé en art audio et électronique. 89.1.